بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية في اليمن. على plaisir de vous présenter. فنبدأ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى بهذه الرسالة النافعة ستة مواضع من السيرة للإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمبر 3. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا من مقدمة هذه الرسالة واستفدنا من هذه المقدمة ماذا عندما؟ المؤلف يريد يبين أن من أعظم سبب الهدى هو اتباع وتعليم السيرة. أحسنت، أن من أعظم أسباب الهداية والهدى تعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. زد النبي زد قراءة التدبر. أحسنت، أن المراد من قراءة السيرة ليس مجرد القراءة. On avait dit le but c'est pas que de lire فقط أبدا. فالـ but كما قال الأخ الاتباع. Le but c'est de lire et d'appliquer. De lire et de suivre. De lire et de faire. استفدنا كذلك من حيث الكتب، استفدنا ماذا أبو بكر؟ نعم، تحرص على من المؤلف، تحرص على ماذا؟ أحسنت، أن القراءة سواء في كتب السيرة أو في غيرها، القارئ الذي يريد الخير لنفسه ولغيره يتحرى. Aïe, la personne, il fait attention ce qu'il lit. Nous, on a parlé de Kutub Sira, les livres de biographie, la biographie du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi que غير السيرة. L'insan, awalan, il regarde l'auteur. Awalan. C'est qui l'auteur? Cheikh Fulan, l'Ustad Fulan, Abu Fulan, l'Akh Fulan. Tu regardes c'est qui? Est-ce qu'il est à la khair? Est-ce qu'il est à la huda? Est-ce qu'il est à la ilm? S'il est à la khair, à la huda, à la ilm, inshallah, كما قال الشيخ فوزان صاحب الخير ينفق الخير شريك ابو خير ابن راجو خير. اما المبتدع الضال الفاسق المجرم فهذا سوء علم، كما قال الامام الشوكاني ما نفع نفسه بالعلم بعلمه كيف ينفع غيره. صحيح، كومو يعني سوء علم لو ا با ايتي يوتيل ا لوي كومو اي فيتي يوتيل اوز اوتر. فهذا لا بيرسون اي بروبا عنه المبتدع إلى آخره، يبخبا عن هؤلاء. ولو السيرة السلف إذا كتب القرآن من المبتدع. القرآن كلام الله إن سورة أفغس أبدا، كما تعلمون آثار كثيرة، لأن السلف يكونس لامبورتانس دو الاستقامة. السلف يكونس ست نعمة يفل بلا قسبي، فلعله يكونس بغا أفغس دو أفغس سا دفين أمي إلى آخره، يبخي peut-être qu'une phrase, un mot, ça lui met une choubha. Amma fi hada zaman, Allah al-musta'an. Ba'd al-nas, ils mettent en danger leur dîn pour Fulan ou Allan. Limada li anna fi hada zaman, c'est zaman al-a'atif. Il y a beaucoup de sentiments. Pourquoi tu parles sur lui? Il n'a rien fait, il est bien, il a une belle voix. Hada al-kalam. Sentiments. Inda al-salaf, leurs sentiments, ils étaient avec le Coran et le Sunna. Houa, ils préservent son dîn. Ça ne veut pas dire qu'il veut que la personne s'égare abadan. Là, lakin, je préserve mon dîn. Et si tu veux être utile pour la personne, fais-lui du dua. Amma, tu l'écoutes et tu n'arrives plus à faire la différence entre ce qu'il dit de bien, ce qu'il dit de mal, entre sunnah, entre le bid'ah, entre une chose qui est haq, qui n'est pas haq, ça te fera du mal à ton dit. Et ça lui fera du mal à lui. Léalna, ça a été la cause de ton égarement. Yom Qiyama, il rendra des comptes. Et anta, tu t'es fait du mal, Yom Qiyama, tu rendras des comptes. Al-hirs, al-hirs, al-istiqam, la personne, il préserve son dîn. بعض الناس كما تعلمون يبخزغوا leur dunya avec des wasa'il adiba. Prends l'exemple de l'argent. Comme ils préservent leur mal. تتعجب. لأن il aime هذا الشيء. Tu trouves في الدين لا. Il écoute tout le monde, il prend tout le monde, il prend ce qu'il veut, il délaisse ce qu'il veut. فالعناية بمنهج السلف الصالح ففيه كل خير. كما قال الشاعر كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. Si tu veux le khair, prends la voix de Haoula. Mais la personne qui ne veut pas le khair, ça c'est autre chose. Waliyam, Inch'Allah ta'ala, nabda. Alain, on va rentrer dans la biographie. Les six points. Bi'idnillah, aujourd'hui, on essaye de faire le premier, ou une partie du premier point. Wa billahi tawfiq. Qala al-mu'allif al-imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah al-mawdi' al-awwal ay min as-sirah al-mawdi' al-awwal min as-sirah wa huwa kama taqaddam dhakara sittata mawadi' ila cité 6 points al-mawdi' al-awwal qala qissat nuzul al-wahy wa fiha anna awwal aya arsalahu Allah biha ya ayyuhal mudaththir قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر. C'est ça le premier point. Et tu vas voir, أيها, ou, tu vas voir, أخي الكريم, comment les ulama ils comprennent les versets. Tu vas voir les fawaïd qu'il va nous citer par rapport à ce verset. يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر. Il va citer des fawaïd. Et tu vas voir que la compréhension d'un savant, ce n'est pas la compréhension d'une personne capable d'ilm. Comme les gens maintenant lisent la sira. Et celui qui lit sira, il est obligé de lire ce verset. Là, il y en a au début de la sira, ils mettent le début de la révélation et l'akhirah, et il cite toujours ce verset. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Le premier verset, fi ghar hira kama sayati. Dès que Jibril alayhi salam, il a révélé au prophète sallam le premier verset dans la grotte, et juste après ce verset, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné chez lui et il a parlé avec sa femme Khadija, Jibril il est revenu et il lui a révélé Ya ayyuhal muddathir. Alors, tu vas voir les fawaïd ilmiya de ces deux versets. Et le point, ce point important de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le début de la révélation, tu vas voir comment tu dois anta tastafid min hada. Tu dois profiter anta et tu dois comprendre, comme il va nous expliquer, Cheikh al-Islam et l'explication kazalik de Cheikh al-Fawzan. C'est une risala nafia. Risala va être hakada. Il cite un point et il explique. Et comme on a dit, c'est surtout par rapport au tawhid. La risala c'est sur tawhid. Et le tawhid c'est aham l'umour. Qala al-allama Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahu Allah ta'ala, qala al-mawdi'u l'awwal qissat nuzul al-wahi ay. Badu al-wahi ala al-rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le premier point, le début de la révélation. Qala kana sallallahu alayhi wa sallam qabla al-bi'tha mukhalifan lima alayhi al-mushrikun lam ya'bud al-asnam. Wahada c'est min tawfiqillah. Anzur nabiyyana Muhammad alayhi salatu wa sallam, au milieu des kuffar, au milieu des mushrik, il n'a pas reçu la révélation, c'est pas encore un prophète, lakin Allah subhanahu wa ta'ala il l'a choisi. Fahuwa, il n'adore pas les statues. Tu trouves, la plupart des Mekkois à l'époque, ils adoraient les statues. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a grandi à Mekka, lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a préservé. Qala wa kana mukhalifan lima alayhi qawmuh. Il ne suit pas son qawm. Min tawfiqillah. Tu ne suis pas ton qawm. Tu es dans un pays qui font kada, tu dois forcément faire kada. Abadan. Abadan, la personne, il suit le haq. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa fitra. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité, il n'acceptait pas d'adorer autre qu'Allah. Abadan. Qala fa kana yadhhab ila ghar Jabal Hira wa huwa ghar fi a'la al-jabal muwajih lil-Ka'bah. Fa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque, il allait dans une de ces montagnes, il y avait une grotte qui s'appelle Hira. Et il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa kana yajlis fihi al-ayyam wal ashhur ya'budu Allah 'azza wa jalla wa ya'tazil 'anil nas. Naam, lianna alayhi salam, il savait que son qawm n'était pas à l'alhaq. Fahoua atazala, il s'est écarté anhum. Amma, ce que font ba'd al-juhal, comme on a expliqué qabl, annahum, al-an, ils vont fi Jabal Hira. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il allait fi Jabal Hira, lianna, il ne pouvait pas appliquer son din. Lianna, la plupart des gens, ils adorent des statues, il a akhiré. Fahoua, il sentait qu'ils étaient à la batil. Il n'approuvait pas hada, fa il s'est écarté. أما الآن المسجد الحرام نعم tu peux faire tawaf une salat c'est 100 000 prières كيف أيها المسلم tu délaisses tout ce khair et tu vas dans des grottes. هم ils vont dire النبي صلى الله عليه وسلم il a été. نعم النبي صلى الله عليه وسلم il a été au début de la révélation, toute sa vie après il a plus été, et ça serait un khair اعلم أن الصحابة il t'aurait devancé. Ça serait un bien de faire ses visites des grottes, des montagnes, il a akhiré في مكة أو في غيرها avec des choses. Le problème, l'un, c'est qu'ils ont une niyad ibad. Eux, ils pensent que cette grotte, elle est meilleure que les autres. Que cette grotte, il faut que j'adore Allah dans cet endroit. Tout ça, là, asla, là. Ça serait bien, salaf al-salih, il l'aurait fait. لماذا الإمام مالك لا بفي هذا؟ لماذا الإمام أحمد؟ لماذا الإمام الشافعي؟ قبلهم لماذا أئمة التابعين يزوا بفي هذا؟ سعيد بن مسيب سعيد بن جبير كم أبناء الصحابة لزوفان الصحابة أئمة التابعين يزوا بفي هذا؟ بل لماذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ pourquoi dès qu'ils allaient à Mecca ils faisaient pas cette chose؟ إلا لأنه c'est pas مشروع c'est pas cette دين الدين tu suis le prophète عليه الصلاة والسلام il t'a montré le طريق Et t'as montré le tariq. Un matin, vendre des choses, hakada, et tu délaisses le khayr et tu vas dans ces endroits. Là, asla la. Et ça, c'est tariq al-bida. Ta'alamoun anna nas l'an, ceux qui vont là-bas, ba'dohum ils s'essuient au mur, ba'dohum ils croient que les murs y'a la baraka, ba'dohum ils croient que la grotte elle a kada, elle a kada. Et shaitan il s'amuse avec eux. Là, cette grotte, c'est une grotte parmi les grottes. Les ulama ils ont des kalam ala hada kathir. Khasatan fi ayyam al-hajj wal-umrah. Souvent, t'entends. العلماء هناك حفظهم الله يمتن قاعد قد هذا في المدينة كذلك بعض الناس ذكي زاغي في المدينة يزافون دي شوز يفيزيت لست مساجد لا أصل لها فيزيت لست مساجد أو يفون دي مونتان يفون دي زندروا يبخطن كل نبي صلى الله عليه وسلم إلي تلابا أو إلي باسي بارلا ولو النبي صلى الله عليه وسلم إلي باسي بارلا با سيبا une سنة pour toi d'aller adorer الله سبحانه وتعالى هناك أبدا عمر رضي الله تعالى عنه Quand il a vu, quand Omar il a vu un nabar d'Annas, ils allaient visiter l'arbre, Al-Shajara, où le prophète sallam il a fait le bay'a. Omar, alaykoum salam, radiyallahu ta'ala anhu, il a pris la décision de couper l'arbre. Et il l'a coupé, radiyallahu anhu. Il l'a coupé, radiyallahu anhu, pour fermer les portes. Ça serait un bien, Omar, ça aurait été la première personne à aller visiter l'arbre, à faire des salawat hunak et l'akhir. La personne il doit prendre son din an ashab Rasulullah alayhi salatu salam. C'est eux qui ont compris le sunnah. Amma ba'd an-nas al-an il istira. Prends l'exemple de ce qu'on vient de citer, la grotte. Il ne comprend pas où. Maintenant, dans tout ce qu'on va voir là, vous allez voir les fawaïd qu'on va citer. Khasatan fi tawhid. Ba'd an-nas ils ont lu la sira. Ce qu'ils ont retenu de ce point, je vais visiter la grotte. Tout ce qu'on va voir nous l'an. Lui, ce qu'il a retenu, il faut que j'aille visiter la grotte. Hada. Et le prophète sallam il a adoré Allah là, je vais adorer Allah moi aussi là-bas. Hada c'est min al-jahl. Anta ayyuha al-muslim, ton din, il y a des personnes qui te montrent ton din. Il y a des ulama, il y a des savants, il y a les savants, ils ont pris de ceux d'avant eux ils ont pris avant eux. Wa hakada. Hakada, notre din il est mabni ala al-isnad. Notre din il est mabni ala qawa'id wa usul. Tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde prend ce qu'il veut, tout le monde délaisse ce qu'il veut, tout le monde comprend comme il veut. Abadan. T'es obligé de comprendre din comme ils l'ont compris. La première génération, t'as pas le choix, tu dois comprendre comme eux. قال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا الشاهد ويتبع غير سبيل المؤمنين أي il suit un autre chemin que celui des croyants. Et les croyants في الآية c'est le sahaba. T'as pas le droit, انت. Tu comprends din comme tu veux. أبدا. Ce din il a des règles, il a des limites. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه فالسلوي كي ديباس لي ليميت يسفي دو مال ا لومام فهؤلاء الان يزون كومبري سيت بارتي دو لا بيوغرافي دو بروفيت صلى الله عليه وسلم كوم يفولا فانظر كوم يسيغار والله بعضهم في الحج لا بليبار دو سون طون ايلي دون لي غروت هاد il en profite pas pour faire tawaf, il en profite pas pour faire salat 100,000 prières, il en profite pas pour apprendre un peu son din. تعلمون مسجد الحرام مسجد النبوي il y a des coursiers, des chaises, il y a des savants, assieds-toi et akhi, écoute. Si c'est un savant de la sunna et l'akhi, assieds-toi et écoute. T'as des questions, pose-les. C'est ça un hajj mubarak, bi'idnillah azza wa jalla, ou qui a de la baraka. Et l'ilmazid, celui qui veut yani, plus approfondir le sujet, ceux qui visitent les grottes, qui visitent certaines mosquées que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Mecca, à Medina et l'akhi, il lit la risala de الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله إلى أن رسالة نافعة في هذا براءة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تتبع الآثار رسالة بعنوان هكذا يرد على أن صوفي أن ضل إلى إكسبيك كالصحابة السلف الصالح يفزبا هذا راجع ست رسالة لمهمة ولعل دوما سيون بو ونلغى سيختان دكستخي حتى ونبوي سكونا دي اليوم بإذن الله عز وجل قال ويعتزل عن الناس ويعبد الله عز وجل على دين إبراهيم على الحنيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا شك أن بعد إبراهيم عليه السلام jusqu'à la venue du prophète عليه الصلاة والسلام أي la révélation بعض الناس ils sont restés على دين إبراهيم parmi eux le prophète عليه الصلاة والسلام il est resté على دين إبراهيم الحنيفية أي adorer Allah seul. قال جاءه ملك وهو في الغار فقال له اقرأ قال ما أنا بقاري لأنه ما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب. Ça c'est la première fois que le prophète عليه الصلاة والسلام il reçoit la révélation. قصة جبريل المشهورة. جبريل il est venu voir le prophète عليه الصلاة والسلام dans cette grotte. Il lui a dit اقرأ lis. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne sait pas lire. Il ne sait pas écrire, alayhi sallam. Ummi. Ummi, c'est une personne qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Fa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était ummi. Bi dalil qawl Allah azza wa jalla, wa ma kunta tatlu min qablihi. Min kitab. At-tilawa, c'est la lecture. Fa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne sait pas lire. Qal wa la takhutuhu bi yaminik. Kadalik, tu ne sais pas écrire. Wa fi hadha yun hikma azima. Fi hadha yun hikma azima. لأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير فالله سبحانه وتعالى il a choisi le prophète محمد عليه الصلاة والسلام et الله سبحانه وتعالى il a fait أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام il ne sait pas lire et écrire il y a une حكمة وهي حتى لا يتهم عليه الصلاة والسلام أنه il a écrit le Coran de ses mains أو il a lu vers واحد هذه حكمة عظيمة فأنت مثلا ceux qui connaissent le prophète عليه الصلاة والسلام ils savent, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Du jour au lendemain, ils leur citent des versets du Coran. D'où, qui c'est qui lui a montré ça? Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Fa la shak annahu c'est le wahi. Katir min al-nas, ils ont su que c'était le haq. Il y en a un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était connu, awalan, ce n'est pas un menteur. Il est connu, son surnom c'était l'Amin. Une personne de confiance. Kanyan, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Du jour au lendemain, كذلك, il avait un bon comportement comme un Sayati. Il était le pauvre. Du jour au lendemain, il vient avec des versets. Fi wasat l'arab. L'arab, comme vous le savez, c'est un qom, il était fasih. Ils avaient la langue arabe. Ils avaient des poètes. Du jour au lendemain, il vient avec هذا الكلام. قال كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب. والملك يقول له اقرأ وهو يقول لست بقارئ يعني لا أحسن القراءة. وتقدم معنا في الأصول الثلاثة. قول شيخ الإسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر بهذه الآية le prophète صلى الله عليه وسلم s'est devenu un nabi il a reçu la révélation لأن النبي كما تقدم معنا كثيرا la définition d'un nabi c'est une personne qui reçoit la révélation فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن il a reçu la révélation إقرأ جبريل est en train de lui révéler un verset إقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إقرأ وربك الأكرم الآيات قال ثم يضمه ضمة شديدة يضمه ضمة أي il le serre il le serre جبريل il serre fort le prophète عليه الصلاة والسلام ثم يرسله ويقول له اقرأ ensuite جبريل il lâche le prophète عليه الصلاة والسلام il lui dit لي اقرأ le prophète عليه الصلاة والسلام il lui répète فيقول ما أنا بقاري le prophète عليه الصلاة والسلام il répond je ne sais pas lire قال ثم يضمه ضمة شديدة ثم يرسله ويقول له اقرأ فيقول ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة ثم في النهاية قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فحفظها النبي صلى الله عليه وسلم les cinq premiers versets d'Iqra c'est le début de la révélation. بعض الناس هنا ils ont un غلط ils disent le début de la révélation c'est surat Iqra là les 5 premiers versets فقط أما le 6e 7e les derniers versets c'est plus tard أما le début de la révélation les 5 premiers ça s'est arrêté هنا قال وهذا أول ما نزل عليه من الوحي وصار بذلك نبيا نبأه الله بإقرا الله سبحانه وتعالى il lui a révélé des versets et c'est le début du Coran. Al-An, c'est les premiers versets qui sont révélés dans le Coran. Ça te montre le mushaf d'aujourd'hui qu'on a, la première sourate, c'est Al-Fatiha, thumma Al-Baqara, c'est pas l'ordre de la révélation. Là. Lakin le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de le mettre hakada. Ta'lamouna anna tartib as-sour, c'est tawqifi. Ah, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a ordonné. Mettez cette ayah huna, mettez cette ayah huna. Le fait que le Coran il est révélé, il a un ordre, ça ne veut pas dire que ça sera l'ordre du mushaf. Là. Là. C'est pour ça que tu as des sourates makkiyah, tu as des sourates madaniyah. Pourtant la période de Médine, c'est après la période de Mecca. C'est masail de Coran, tertib wa an-nuzul, nuzul ayat ila akhirah. Celui qui veut approfondir كذلك le sujet, yaraji' kutub ulum al-Quran. Kal itqan al-Suyuti, Cheikhuna Yahya hafidhahullah illa ikhtasar, c'est un kitab nafi'. Fa ça c'est un ilm muhim jiddan. Khassatan pour talib al-ilm, il connaît hadha al-Quran, le mushaf. فراجع كتب علوم القرآن وللشيخ أبي عمرو الحجوري وفقه الله إلى كتاب نافع في هذا علوم القرآن قال فحفظها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أول ما نزل عليه من الوحي وصار بذلك نبيا نبأه الله بإقرأ ثم ذهب إلى خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين وذكر لها ما حصل له وكان خائفا نعم ثم النبي عليه الصلاة والسلام إلى بارتي voir sa femme Khadija. Ah, il est retourné chez lui, alayhi salatu wassalam. قال وكان خائفا ترعد فرائسه مما رأى من هون الموقف ومجيء الملك إليه في هذا المكان وقال لها لقد خشيت على نفسي خوف طبيعي. Le prophète sallam il a eu peur. La première fois il voit هذا ملك, il lui dit lui, il le serre fort. الإنسان il a les choses dont il n'a pas l'habitude, fil bidaya, ça lui fait peur. Un ami sur il a dit la katrachito à la nefsi. Il a eu peur pour son nefsi. Il a eu peur. Falihada qal shir fawzan wa kana khaifan tar'ad fara'isso. Il tremble alayhi salatu salam. Lakin, isma' hada al-mawqif min hadihi al-mar'a saliha. La femme du prophète Khadija radiyallahu anha, le rôle qu'elle va jouer huna. Ça te montre qu'une femme saliha, elle aide son mari. كذلك le mari salih, il aide sa femme. Ou le mu'min, il aide son frère. Le père, il aide le fils, il aide le père. Ou هكذا. وتعاونوا على البر والتقوى. Le Nabi صلى الله عليه وسلم, ce qu'il a ressenti, le rôle de Khadija رضي الله عنها. قالت فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. Une phrase. Ça a été le sabab. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم, il se sent mieux. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا لأن خديجة elle connaissait le prophète عليه الصلاة والسلام بل c'est la personne qui le connaissait le mieux elle savait يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم c'est une personne qui était à l'استقامة فلا يخزيه الله أبدا أبدا الله سبحانه وتعالى il le laissera pas أبدا أبدا il est à la خير il adore الله il aide les autres il fait que du bien. قالت إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدم أو المعدوم نعم أي المعدوم celui qui a rien أي الفقير le pauvre. قال استدلت بصفاته عليه الصلاة والسلام الطيبة على أن الله لا يقع به ما يخشاه لا يخزيك الله أبدا نعم فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يصل الرحم أي il préserve les liens de parenté, il prend soin de l'invité, il aide le pauvre, il adore الله سبحانه وتعالى. فخديجة elle a conclu بقولها لا يخزيك الله أبدا وأنت تستفيد أيها المسلم que si t'es à l'استقامة t'es à la tawhid t'aides les autres t'apprends ton din t'es une personne بإذن الله une personne pieuse. اعلم ان الله سبحانه وتعالى لا يخزيك ولو si t'arrive quelque chose c'est min bab al-ibtila la patiente فقط ولو c'est un problème il t'arrive quelque chose patiente Allah il t'éprouve il veut t'effacer tes péchés il veut t'élever en degré fa il t'éprouve قال عيسى السلام اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل وقال عيسى السلام يبتل المرء على قدر دينه ف il faut pas confondre épreuve et punition abadan. Le prophète sallam avec tout ça, celui qui lit sa biographie, tu verras un, c'est une personne alayhi salam qui a été beaucoup éprouvée. A qui ça l'a élevé en degré, faqat. Et il a patienté alayhi salam. Hakad al-Muslim. Tant que t'es à la haq, tant que ta'ala haq, sois sûr de toi, husnul dhan billah, anna Allah subhanahu wa ta'ala, il te laissera pas. Abadan. Il te laissera pas. Tu auras le dessus sur tes ennemis, a'da'ullah. Tu auras le dessus sur tahawa, tu auras le dessus sur shaitan. Lakin, Allah il t'éprouvera. Allah il t'éprouvera. Sunnatullah subhanahu wa ta'ala fi khalqi. Allah il a créé les choses hakada. Anna il éprouve le salih. La personne pieuse il éprouve. Qala, وهذا من فقهها أو قبل هذا قال لأن صفاته صفات حميدة وهذا من فقهها رضي الله تعالى عنها فهي أول من طمأنا أو اطمأن قال فهي أول وزابتوز هكذا حتى dans le livre نور فهكذا طمأن كانه اطمأن قال الرسول صلى الله عليه وسلم وناصره وآنسه من هذه الوحشة وهذا موقف عظيم منها صحيح موقف عظيم أن الله سبحانه وتعالى إلى فاسيليتي à خديجة qu'elle dise ces paroles au prophète عليه الصلاة والسلام qu'elle dise ces paroles et عليكم السلام et ça c'est des paroles مهمes ça te montre quand tu es un musulman dès qu'une personne ton frère il a du mal il lui est arrivé quelque chose une kalima tu peux l'aider une kalima si tu sais qu'il est à la haq tu le thabbat continue jazakallahu khair Allah subhanahu wa ta'ala il ne te laissera pas isbir une kalima et pour ton frère ça lui fait un grand bien et anta t'as un ajr azim fa khadija radiyallahu anha c'est la première personne qui a cru au prophète alayhi sallallahu alayhi sallam mubashara elle a su que c'était haq la yukhzikullah abadal elle a su que c'était min indillah fa hiya awwal mu'mina radiyallahu anha wa ta'lamuna anna ar-rasul sallallahu alayhi sallam basharaha min jannah Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a annoncé le paradis, elle était vivante. Radiyallahu ta'ala anha. Fa Khadija, elle est min ahli al-jannah. Et c'est la première femme du prophète alayhi salam wa radiyallahu ta'ala anha. Qala thumma qala dathiruni ay ghattuni. Naam, lian le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il avait froid. Ou il tremblait plutôt de peur. Il a demandé qu'on le couvre. Dathiruni ay qala ghattuni ay, c'est le fait de couvrir. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé qu'on le couvre. قال وغطته وبينما هو كذلك جاءه الملك deuxième fois الان le prophète sallallahu alayhi wa sallam il tremble il demande à sa femme Khadija qu'elle le couvre fa elle le couvre رضي الله تعالى عنها le malak Jibril il revient فقال له يا ايها المدثر قم فانذر فصار بذلك رسولا الان Jibril عليه السلام il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam يا ايها المدثر Al-Mudathir, c'est celui qui est couvert, celui qui est enveloppé. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est couvert. Et ayu al-Mudathir, qum fa anzir. Aïe, lève-toi, qum, et appelle. Appelle ton peuple. Al-Inzar, c'est yati ma'ana. Ma'ana. Fasara bidhalika rasoula. Li'annahu bihada umira bittablir, wa fil awwal, lam yu'mar bittablir. Hada ishara min al-Sheikh, hafidhahullah, anna al-Nabi, هو الذي لم يؤمر بالتبليغ والرسول هو الذي يؤمر بالتبليغ وهذا التفريق في نظر on a vu كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله dans des dours auparavant أن النبي كذلك il doit faire le tabligh le fait de différencier le nabi c'est celui qui appelle pas et le rasoul c'est celui qui va appeler qui va transmettre فهذا لا هذا لا et on avait étudié هذه المسألة نسيت lequel درس تفضل الأربعين النووية أحسنت قيل له أي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق لم يؤمر بالتبليغ صار نبيا بذلك ثم جاءته الرسالة وهي أنه أمر بالتبليغ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر أما مسألة النبي والرسول هذه on l'a vu نحن ce qui nous intéresse هنا c'est l'importance des deux versets يا أيها المدثر قم فأنذر وقوله اقرا باسم ربك الذي خلق nous c'est ça, ça va être sur ça que sur l'islam il va te montrer l'importance de ce point l'importance du début de la révélation et أنت أيها المسلم tu lis la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم le début de la révélation il y a des fruits tu dois comprendre أنت قال الرجز الأصنام هذا محل الشاهد c'est pour ça que sur l'islam il a cité ce premier point les anna le premier un des premiers versets qui a été révélé au prophète sallam ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war ruzz fahjur fa Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné le prophète sallam plusieurs points أولا قم فأنذر أي في الدعوة تدو أبلي قميرمو قال وربك وربك فكبر il lui a ordonné de zikr وثيابك فطهر il lui a ordonné subhanahu wa ta'ala de se purifier والرُّسَ فَهْجُر أي il a ordonné il lui a ordonné de délaisser de mettre en garde contre les statues الرُّجْ الْأَصْنَم فالآن si je vous pose la question qu'est-ce qu'il veut nous montrer sur l'islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab avec ce point c'est ça qu'il veut nous montrer Fattal Abd al-Malik qu'est-ce que tu vas faire si toi tu as lu la biographie hein, et tu as compris le verset qu'est-ce que tu vas déduire la première chose que tu dois faire attention, tu dois t'écarter, c'est adorer autre qu'Allah. On a compris ça d'où ? De la biographie du prophète Aïssa al-Salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Warruza fahjur » Fakayf l'an ? Des personnes, ils lisent ce shira. Ils lisent ce verset. Et le prophète al-Salam l'an, il a un appel à faire, une da'wa. Et cette da'wa, elle est basée sur ça. Combattre les idoles. Combattre le shirk. Fakayf l'an, ba'd al-nas l'an, ils lisent ce shira, nuit et jour. Et tu le vois, il adore une tombe. Pourquoi tu n'appliques pas ça ? Il adore Sidi Foulan. Il égorge pour Sidi Foulan. Il place sa confiance en un sorcier. Il a akhir. Fahada, il lit la sira, c'est d'aucune utilité pour lui. Abadan. Ben, c'est une preuve contre lui. Fahada, on lit sira et. Vous savez, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Pourquoi Jibril il est venu le voir ? Anta, tu dois te poser ces questions. C'est quoi le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Le message, c'est Ya ayyuhal muddathir, qum fa anzir. Aïe, lève-toi et mets en garde. Mets en garde contre quoi ? Qal, warruza fahjur. Ouais, Cheikh Fawzan, il va expliquer hada en détail. Qal, arruz al-asnam, hada mahalu shahid, wa hajruha, tarkuha, wa libti'ad anha, wa li rabbika fasbir, la bout min as-sabr. Naam. Les versets d'après, qal, azza wa jal, dès qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné au prophète sallam de faire da'wah. D'appeler au tawhid, de mettre en garde contre le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, wa li rabbika fasbir. Ça te montre, ayyuha da'i ila Allah, anna, si tu veux faire cette da'wa, si tu veux appliquer ce point de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, awalan toi, t'appliques tawhid, tu t'écartes du shirk, ensuite t'appelles ta famille, tes proches, les gens que tu peux, tant que t'es à la il, avec une condition, c'est que t'es à la il, et alam, qu'il te faudra du sabr. Les Anna, ça va te faire des ennemis et tu vas être touché. Tu vas être touché toi-même, tu vas être touché dans tes biens, tu vas être touché peut-être dans ta famille. Lakin isbir. Isbir. Wal asr, inna l'insana la fi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bil sabr. Tawasaw bil haq, c'est da'wa. C'est comme dans ce verset. Qum fa anzir. Qawlu wa tawasaw bil sabr, c'est comme dans ce verset. Wa li rabbika fasbir. Fala bud. Un da'i qui n'a pas de sabre, il n'ira pas loin. Ou alors s'il a du ilm. L'Anna, s'il n'a pas de sabre, son ilm, il ne pourra plus le propager. Fulan, il va dire c'est un menteur. Fulan, il va dire c'est un wahhabi. Fulan, il va dire c'est un terroriste. Il fchel s'il n'a pas de sabre. Son ilm, il ne pourra plus. T'entends, Ba'ad al-Nas. Tu lui dis, Yahri, pourquoi tu ne fais pas de cours ? Yahri, pourquoi ? Là, mais ils vont dire kada, ils vont dire kada. Il a peut-être qu'il a la compétence de faire, ou de parler, ou de montrer. Là, qui n'a pas de sabre, ça lui bloque tout. Enfin, là, bon. L'abou de sabre. Ou antabé. Sabre, il n'est pas pour toi. Ce sabre, c'est une ibada. Allah subhanahu wa ta'ala قال wa li rabbika. Sabre, c'est l'illah. Et ce n'est pas un tas de. Maintenant, tu patientes pour avoir kada min ad-dunya. Ou tu tais pour avoir kada. Ou là, là. Patiente et espère l'azr l'illah. Wa li rabbika fasbir. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui te donnera. Fasbir l'illah. Amma si tu fais par rapport aux gens, tu lâcheras. Il y en a un jour, il va dire tais-toi, l'autre il va dire parle, l'autre il va te donner un peu, l'autre, et tu vas être comme un pantin. C'est les gens qui te guident. Wal'iyadu billah. Là, l'insan, mets ton sabre lillah. Il faut parler, parle. Il faut te taire, tais-toi. Il faut appeler, appelle. Hakada lillah. Lillah. Lakin tout ça, avec l'ilm. Avec l'ilm. Fala bout de deux choses, fi da'wa. Al-ilm. Et à sabre. La boude. ilm sans sabr, comme on a dit, la personne n'ira pas loin. Ou là aussi il a du ilm. Sabr sans ilm, il avancera mais il fera des dégâts. Fala abud al-ilm wa sabr. Wa fi surat al-asr, dalil ala hada. Qala hada awwal. أو قبل هذا قال لأن المهمة ثقيلة جدا وطويلة وتحتاج إلى الصبر. نعم يا أخي طريق الدعوة للونج. والله تتعجب من بعض الناس خاصة بعض الشباب خاصة المبتدئ لديبيتان تعلمون أنه إلى حماس عجيب إلام الخير إلام الخير ف ça s'implique souvent chez le débutant. Il vient de rentrer fait din, il vient connaître l'istiqama, il a une énergie, il veut que tout change en une seconde. Et ça, c'est un khata. T'aimes le khayr, c'est bien, mais arme-toi avec la patience. Wa'alam, anna la route, elle est longue. Bad al-mubtadi'in, matalan, dans sa famille, un débutant, matalan, il vient de connaître sunnah. Il apprend, matalan, que les tombes, les photos, ahadil, umur, il sait que sa famille, elle fait ça. Khalas, il veut que tout change en une seconde. Si ça ne change pas, il s'énerve. Ou il arrête, ou Al-Hajr, ya akhi, c'est ta famille. T'es obligé doucement, doucement. 50 ans ils sont à la hada, tu crois qu'en une seconde ça s'enlève. Un Nabi alayhi salam, comme on va voir, 10 ans. Al-An, à partir de maintenant, Al-An, on est au début. Dès que Jibril, il lui a révélé ce verset. 10 ans, il va appeler Kassa. Crois pas que 10 ans tout le monde l'a suivi. Ah, madame. Au début, sa femme Khadija. Ensuite, Abu Bakr. Ensuite, Abu Bakr, il va aller vers Bilal. Esclave, il va se mettre avec eux. Ensuite, Ali Kadalik, un jeune, le petit cousin du prophète sallam, il va suivre. Le prophète sallam, il appelle. 10 ans. Que tawhid, il n'y a pas encore salat. 10 ans. Fa anta, ayyuha da'i, al-an. Tu lis la biographie du prophète sallam. Tu ne dois pas te précipiter, ya akhi. Ton père, meskin, ils l'ont appris. Oblad, ou là, comme ta'lamoun, nos parents, ils lui ont appris, yana, les tombes, ils lui ont mis l'aqida dans les tombes. كثير من الآباء أنت قليل قليل أخي doucement doucement on ne dit pas la halou tais-toi أبدا parle لكن أولا bon comportement والله si ta famille voit que tu changes ils vont être touchés ils vont dire الآن il change c'est qu'il est il a du bien il a du bien لأن ton père et ta mère ils te veulent ton khayr فأولا change toi-même deuxièmement العلم حتى tu parles c'est بعلم مثلا tu dis à ton père يا أبي les tombes et tu commences à lui expliquer les tombes et tu lui cites des versets du Coran al-Karim. Ton père il aime le Coran, si c'est un musulman. C'est un musulman, ton père il aime le Coran, il va être touché. Des hadiths du prophète Aïssa al-Salam. Tu lui montres que tu veux son bien. Premier jour ça n'a pas marché, bon comportement. Deuxième jour, troisième jour, hakada, hakada, tu lui montres que tu veux son bien, il acceptera bi-idnillah azza wa jal. Enfin, c'est pas min as-sunnah, on fait da'wa un jour. Là, li'anna Allah subhanahu wa ta'ala qala wa li rabbika fasbir. Asbir ya akhi. Asbir. Anta t'as mis des années à comprendre que fumer c'était pas bon, sortir c'était pas bon, toutes les maasis connues, inda shabab. T'as mis longtemps à comprendre. Fali mada tu veux que ton père comprenne en une minute. Et kadalik fait du'a. Et désespère jamais. Asa Allah subhanahu wa ta'ala, il met du khayr dans ta da'ou. Kadalik avec tes voisins, kadalik le masjid, kadalik. Ba'd al-nas, kama ta'lamoun, shabab, il rentre fait din, il est motivé, il arrive dans sa mosquée, il apprend ça sur une bid'a. Il veut tout changer un jour. Si ça change pas, c'est une mosquée de mubtadi'. Khalas. Il se pose des questions. On prie encore là-bas, amla. Ya akhi, taqillah. Taqillah, si c'est des awam. Nous, si on parle sur une mosquée de mubtadi', c'est des mubtadi'. Lakin, si c'est une mosquée d'awam, il y a une tariqa. Un bon comportement. Le sourire. Tu montres bilhaq. On ne dit pas, nous, c'était abadan. Lakin, il y a des méthodes, ya jama'a. Il y a des méthodes. Comme min al-nas, ils aiment le haq, lakin, le haq, ils l'ont emmené d'une façon, ils peuvent le rejeter. Tu sais l'ami, anta. Bah, l'awam, il se voit qu'il a un battle avec le sourire, il accepte. Un haq, c'est wadih. Lakin, avec un mauvais comportement, ouah, il le rejettera. Enfin, on doit tout mettre, pour, dans notre da'wa, tout mettre, les choses légiférées, les choses shar'i, pour que les gens, ils acceptent hadal haq. Ça facilite aux gens. Soit un miftah lil khayr. Soit pas, t'emmènes les choses, les gens, ils ont du mal à accepter. Abadan. Et sob. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa da'wa, elle a duré des années. Enfin, nous, via des zaman, min bab awla, anna ça a mis du temps. Nuh alayhi salam, 1000 ans, 950 ans plus précisément, il appelle au tawhid. Nuh c'est un nabi, il applique. Wa li rabbika fasbir. Il y en a jamais l'anbiya, ils ont fait da'wa. Jamais l'anbiya, ils avaient la patience. La bout. Enfin, 950 ans, il appelle. Jamais il baisse les bras. Enfin, nous, là, il y a 12, une semaine, on baisse les bras, un mois. Khassatan, khassatan avec tes proches. Si toi tu patientes pas avec ton père et ta mère, qui c'est qui va patienter avec eux? Al-Yahoud, Al-Nasara, Al-Soviya, qui c'est qui va patienter avec eux? Nassallah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiq al-jami'. والوقت ذهب وفين الباراغراف حتى غدا قال وهذا أول ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الشرك أول شيء أمره بأن ينهى عن الشرك والرجز فاهجر قم فأنذر أنذر عن ماذا أنذر الناس عن الشرك وعبادة الأصنام أنذرهم عنها سسا لبخومي بوان الآن نحن qu'on a compris de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam أن le début de la révélation le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été ordonné de combattre le shirk. Et demain, avec Idnillah, on finira kalam. Al-Sheikh al-Fawzan, il est nafi'. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Ma'a tahiyyati dammaj.fr.com.